puisqu'elle est tienne. Originaire des hommes, on est vendu sans issue. On s'est élevé de nos gènes. Les gars, quand on est fort de l'apartheid, notre âme, c'est normal. Dans ce quartier, ça va être esclave dans le sens. Ça va être grâce aux dalices. Puisqu'elle est tienne, donc on s'en moitié gâché, délié par la misère. Résultat d'une jeunesse déchue. Chacun pour sa peau, permettre d'attendre. On s'en moitié gâché, délié par la misère. Résultat d'une jeunesse déchue. Chacun pour sa peau, permettre d'attendre. On s'en moitié gâché, délié par la misère. Résultat d'une jeunesse déchue. Chacun pour sa peau, permettre d'attendre. Enfin sans moitié gâché, délié par la misère. Le résultat d'une jeunesse déchue. Chacun pour sa peau, permettre d'attendre, je t'assure. C'est triste à dire ici, c'est chacun pour sa peau et seulement Dieu pour tous. Et nous c'est chacun pour le squad et la section pour nous tous, heureusement. Sinon avant là j'aurais déjà eu des rites, on était sans l'arrêt des raids. Ou réussir c'est trop rude, y'a pas 33 solutions, y'a que le taf qui prime. Alors je m'efforce de bosser dur avant que le mal me prenne en déprime. J'ai à quoi m'attendre même si c'est dur, moi j'ai un but à atteindre. Vu que je prends de l'âge de jour en jour, je peux plus me permettre d'attendre. C'est clair et net, à tout prix faut que je m'en sorte, que je trouve la porte de sortie avant que le mal à m'emporte. Tu prends la pompe plainte. Écoutez leurs paroles d'hypocrites comme dit Wallen. On est lié par la misère et par notre rang social. Des quatre coins de la France on se dissocie au lieu de s'associer. Tout ça à cause d'un système qui nous pousse à bout tous pour attenter le tout pour le tout. Et quel qu'en soit le coup, on kiffe vivre au jour le jour sans penser au lendemain. On se démène pour s'en sortir et ça, quel que soit le domaine, que l'on choisisse le bon ou le mauvais chemin, utile de faire un schéma, obligé de faire le mal parfois pour pas rester en chien. Car ici c'est chaud, le reste espérance marche dessus. Pour un simple regard ça part en couille et on se tire dessus. Résultat d'une jeunesse déchue, d'une enfance à moitié gâchée. De nos jours c'est devenu trop courant de se faire schlasser. Les mêmes problèmes ici car nos galères se ressemblent. Alors on s'unit dans la haine tandis qu'avec l'amour qui rassemble. Exemple trop souvent de réussite, on cultive le mépris d'autrui, ce qui génère à l'intérieur de nous ce mal qui nous détruit. Alors qu'on devrait s'en servir comme force motrice pour avancer positivement. Afin de rester à la surface, on s'enfonçait effectivement. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais faut essayer de tracer sa route en esquivant ce train d'enfer qui nous délie les uns des autres, nous incite même à s'entretuer dans un silence d'opéra. On cherche une voie pour nous guider, écouter nos appels détresse. Pourquoi donc crier à l'aide ici, vaut mieux progresser par soi-même afin que la vie nous remercie. Chacun pour sa peau, permettre d'attendre, je t'assure. Sans moitié gâché, délié par la misère. Le résultat d'une jeunesse déchue. Chacun pour sa peau, permettre d'attendre, sans moitié gâché, délié par la misère. Le résultat d'une jeunesse déchue. On mène la vie des mecs du ghetto. Les quatre pantalons mecs du bitume. On mène la vie des mecs du ghetto. Les quatre pantalons mecs du bitume. On mène la vie des mecs du ghetto. Les murs, plus 24 piges que je vis ici. Ben des lustres que je fais partie de ceux que personne apprécie. Ces opprimés, toutes ces victimes, frappés sans cesse par l'oppression. Mais rien à foutre, ma vie se résume aux zones sensibles sous pression. 95, 140, mon ghetto youth pas comme les autres. Voici pourquoi nos quotidiens ici est différent du vôtre. Je me rappelle mes premiers pas dans le tchèque car c'était trop hard. Une ambiance trop tendue et si j'étais toujours sur mes gardes. Un truc de fou, un truc de fou, qu'on ne pourrait voir nulle part ailleurs. Je vous jure que c'est vrai, certaines familles ici ont grandi dans la peur, dans la misère et dans les larmes, dans toutes ces embrouilles de Tessie. Les descentes de police, les coups de fusil et les vis illicites. Les blagues, je sais là qu'on visite seulement un but d'œil. Ou les nouquettes comme la zombie qui laisse encore ton remet en deuil. On tirait d'ici même pas en rêve, plutôt crever. Moi j'y fais grave, pas question de m'en priver. Même si des fois les choses s'aggravent. la school cache des scamis. C'est dans la street qu'on a grandi, c'était beaucoup trop dur au début. Il a fallu se bomber le torse, fallait s'unir, on s'y est fait. Vu qu'il y a que l'union qui fait la force. Mais maintenant qu'on l'a compris, ils mettent nos bâtiments en cendres, histoire de desserrer les liens de tous ces gens des grands ensembles. Avec mes sauces, on est soudés comme une grande famille ensemble. Même si des enfoirés s'efforcent de faire en sorte de nous descendre. Alors écoute, moi c'est Tienzo, produit de banlieue, pour moi c'est clair. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, moi je viens de la rue et j'en suis fier. Même si ici la routine tue et du système on est martyr, c'est-à-dire que malgré tout on en tire tout de même de bons souvenirs. Même si ils sont crades et crates, mal fréquentés soi-disant. Dans le fond, on s'y plaît, alors on fuck les médisants. Négas scandale, mec du bitume, on n'est pas prêt d'acheter le terrain. C'est pas nos plans de question, même si trop souvent on s'en plaint. Cette touche de grosse berline, moi c'est comme ça quand tu pèses lourd, tout le monde fait affaire avec toi. Et vu que l'argent appelle l'argent, à chaque transact tu prends du poids, putain. J'suis monté haut à ce qu'il paraît, mais rien à faire. J'suis pas prêt au vendre du shit, en bas de mon blog c'est la misère. Ça me dit plus rien, ça rapporte pas. En plus je vis beaucoup plus gros, tout ce qui rapporte les gens friqués. Donc j'fais dans la coque et les roues. J'laisse la dîme à nos genoux, j'suis rentré dans la cour des grands. J'fais des envieux, mais rien à foutre. Donc il rage, aux ailes, je prends la rumeur court, les keufs me veulent. Donc faut que j'arrose pour un sourcil. De toute façon, j'suis condamné à finir en tolou ici. Car tous les jours je prends des risques, m'expose de visage découvert. Autant que mes sauces me disent qu'il faudrait que je me mette au vert. Mais le temps c'est billet vert et pour moi pas question d'en perdre. Et ça c'est clair, maintenant que j'ai mordu dans le luxe, je ne veux plus revivre dans la merde. C'est moi le gros poisson du cartel. Besoin d'aide de personne, je vole maintenant de mes propres ailes. Mais c'est des ordres dans ma tête, malgré que je brasse des liasses. Car j'ai tout de même l'impression qu'on veut me replonger dans la crasse. Là j'en rends fou, ça je le sais. Maintenant y'a tout le monde qui m'en veut, la rue me veut, la tôle aussi. Je suis donc pris entre deux feux. Y'a les jaloux, un peu tout part, qui veulent déjà creuser mon trou. Et puis j'ai flics collés au cul qui veulent que je finisse sous écrou. Écoute, j'ai reçu des menaces, on veut s'en prendre à mes gosses. Là, ça m'achère, ce qui m'est cher, si je dévide pas toutes mes poches. Même si c'est lâche, sans scrupule, on s'en prend à mes proches. Moi c'est dur de refaire surface une fois. T'es tombé dans la fosse. Aujourd'hui je veux tout lâcher, mais mon passé me court après. Me colle au train, me gâte de près. Dans sa spirale je suis attiré. Donc stopper ça c'est impossible. Alors que veux-tu que je fasse? Ouais man c'est mort, aucune marche arrière possible. J'ai vite envie de me voiler la face. Toi qui me rejette, ne me demande pas l'impossible. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pour que tu m'acceptes, ce que tu veux que je fasse? Pour que tu cesses de me rejeter. Quand rien ne te comprend pas, je piche pas ton comportement en te comportant ainsi. Ça fait déjà 3 jours que j'arrête pas de t'harceler avec de bonnes intentions. Et toi les seules lettres que tu trouves à mes yeux à chaque fois, c'est N-E-N que ma tête commence à bloquer. En se posant des questions qui ne devraient pas. Pourquoi essaies-tu d'avoir confiance en mes mots, tout en eux? Pourquoi cherches-tu à refuser de voir ma sincérité envers toi? Baby, calme ton tempérament, je suis pas un beau parleur moi. Même les ratailles peuvent ressentir ce sentiment. Yeah, take that. Truly understands, oh yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. demoiselle, future madame, qui pourrait devenir ma femme, à qui je déclare à ma flamme. 40 piges avec des formes qui pèteraient sur la forme. Une gueule au top, pas comme les autres, originales et plus qu'en norme, avec un regard envoûtant. Un de ses sourires ravageurs, une femme câline à ton sommet, tous les matins de bonne humeur, ça fait désir. Accompagné de beaucoup d'humour, plein de sentiments jusqu'à la mort, ne cesserait pas de donner de l'amour. Je veux le genre de meuf qu'on savoure, qui tous les jours apprend en cours, une créature au passé sûr, autour de qui les boys ne tournent. On joue pas d'une biatch, qui demande seulement du sexe, suceuse 2, qui se fait tourner sans cesse dans les capes de la tête. Si propre, malgré que c'est faux, serait certain que je vous fuis de ça. À cette heure-ci, ça me dit plus rien, malgré mon petit code fixe ça. J'ai une meuf clean, à croquer, les skis respectent. Sans double jeu, vraiment fidèle, c'est cela que j'ai respect. Ouais, je suis plus sans rien, mon apoil, accueilli avec des baffes en pleurs. Aussitôt j'avais épuisé que survivre c'était du taf, rien qu'on endure. Je vous l'assure, il a fallu se bomber le torse, s'unir pour plus de force, s'accrocher pour pas qu'on te poche. Fallait s'y faire, on s'y est fait, avec en vue la vie de rêve, une vie de luxe avant que je m'envole. Avant qu'un man me crève, au but le deal et puis le vol. Pour mettre à l'aise les miens qui vivent de peu, tous ceux qui me serrent les couilles en cas de coup dur. Moi je veux ma part, peser lourd comme un porc avant de partir, gréer à ma fin. Rien à foutre, même si je sais que toutes les belles choses ont une fin. Avant qu'un mort me prenne, moi je voudrais seulement qu'elle me laisse, niquer le bénéfice, baiser la vie, après m'en aller sans repas, partir d'ici sans laisser trace, ça n'a pas de sens. Je semer toute ma semence pour assurer la descendance des petites un peu tout part, qui vont gérer toutes mes parts, histoire de prendre un bon départ, un peu d'avance dans ce monde à part, léguer ma fortune et mes biens, entre les mains de tous les miens, afin de manger mieux que bien, avec des vies jusqu'à demain, ils auront même des hommes de main, pour veiller sur leurs arrières, dans le cas où un gros fils de pute voudrait se venger sur mes frères, en mon absence, après ma mort de ce côté-là, y a pas de galère, c'est moi qui gère, avant que je parte, je nettoierai jusqu'à leur mère, putain de massacre, un bon exemple qui va calmer les manos hostiles, c'est le seul moyen que j'ai pu trouver pour pouvoir m'en aller tranquille, tranquille, tranquille. Guide-moi. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéroté, ça banane, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. M'en sache que nos pères, j'me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au bulldozer. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Des numéros 10 dans ma team. 2005, on prend les rênes, finit se faire mener au bâton. Avec mes gars, on mène la danse, c'est clair, on est sorti du troupeau comme des brebis bien égarés. Melant de lettres, on veut palper des sous H24 sur le terrain, y'en a ras le bol de se faire palper. Donc on se la joue en retrait, attendant la bonne occasion. Au bon moment, on prend des risques, même si la Sarkozy au cage, on percera le filet des bleus. Dans l'effectif, y'a pas 18, tandis que chez nous, y'a des remis. Maradona, Pelé et tout, on est pas prêt de se la manger comme c'est Barthez qui garde nos buts. Tempérament impulsif, on j'écrase sur ces fils de pute qui veulent nous mettre en jeu en joue. Sur la touche avec la rouge défensivement ça casse des beuges, offensivement ça claque des buts. Aucune prolongation, plus riche d'élongation ou d'incarcération. Y'a trop de poteaux sur le banc dans les tribunes interstates. Y'en a même dans fin de carrière, pas de remplaçant des mécopés. On veut pas de pédale au vert, on évite les pénalties. Dans ce domaine on n'a pas de chance, on touche toujours la transversale, même tirée avec élégance. En plus de ça c'est qui tout double, et dans ce jeu là j'ai pas confiance. Même si le numéro 10 c'est un maillot qui porte chance. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10, ça banane, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, mon poids sur les cette pute en époque. Je suis dans l'urgence, je me barre en coule comme son. Attaque de brins, de diligence, on t'en tue. Fort l'état et ses dirigeants, on veut des thunes. Dans l'excès, te sauve pas, où on vise les rotules. 11-43, 2005 pour 2006. Ton âme qui les revêt. Pas l'état pur en tant que cul, faut pas rêver. Je hors norme, hors la loi, rien à tirer du code pénal. À marginal, à l'état pur, voilà Tienzo l'original. Tu vois que les interdits et toute leur constitution, suivi de leurs institutions, je contourne la législation, toujours dans l'excès. J'irai plus en infraction, tu veux que je te dise, quand je vois que l'état, ça me fout grave en érection. Pas question de baisser la tête, pour ce système qui m'amène. J'aurai toujours le petit virus dans leur programme, un gros problème dans leur système. Mais dans leur loi, je préfère être sa garnement. Regardez-moi, c'est moi l'impertinent, petit gouvernement, au sale comportement. Sanctionné par l'uniforme, c'est mon train de vie depuis gamin, pourtant je pète toujours la forme, alors la ferme. Abaissé devant leur firme, y'a pas moyen, moi j'ai la dalle, ouais, je fais pas ça pour la frime, pas limite dans l'illégal. Après tout, j'ai rien fait de mal, pour ta gouverne, je fais que prendre exemple sur tous ces porcs qui nous gouvernent mal. Je m'adapte à cette putain d'époque, je suis dans l'urgence, je me bats en couille comme ce monde. Attaque de brings, de diligence, on t'en tue. Fort que l'état et ses dirigeants, on veut des thunes dans l'excès. Levez les bras si vous êtes forme, à poil le nord que des gros sous, pourtant nos mains sont dans la boue. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde feu c'est la merde, c'est la fin des haricots, y'a plus de l'OP. 95 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Faire pas la contre les feux, je viens visiter la jungle urbaine. 95 zones illicites, où tous les gars forgent une longue peine. C'est pas des blagues, on sait dans l'ombre, on n'est pas prêts de voir leur surface. La tosseur sauce à le sous-sol, la chaise pour qu'on fasse du surface. Pour nous éclairer, l'état nous baisse, c'est le responsable de nos souffrances. Alors on erre dans l'illégal en étant fier des deux problèmes de la France. La délinquance au paroxysme, pour notre club, parodici. Ouais, c'est la merde, tout le monde le sait. Les mecs de tête sont en sursis, altercation avec les filles. Règlement de contre une équipe, départ au casse-pipe et transactions illicites. Et dans nos rues, d'après Sarko, l'insécurité diminue. Mais la plupart des manichés ont tous une âme pour leur sécule. On calibre à la baraque, histoire défendre son patrimoine. Y'a pas de remède, on a le mort, on veut des tubes sans faire l'aumône. Rien de pèse, beaucoup de pèse, on veut tous se mettre à l'aise. On fout le buzz, on fait du bis, celui qui est pas content, on le traite. C'est garge, hein. Tu veux nous tester, faut que tu sois fort. Tu connais des chasses aux gants, banlieue nord, pour leur confort. Du nord au sud, tout le monde le sait. Que vers chez nous, c'est gros cru. Joue pas le tobi, tu nous connais quand on débarque, on se présente plus. Putain, les nerfs à vivre, bien entendu, ça c'est connu. Pour un oui, pour un non, les jeunes se tirent dessus, c'est vrai. On frôle le cœur souvent, mais c'est la loi car la rue tue. Les nerfs à sont flingués, on en a rien à foutre de tout. Mais on s'en bat les couilles de vous. Nous, tout le monde s'en bat les couilles de nous. Pour s'en sortir, on fait ce qu'on peut, au risque de finir sous écrou. On va trop tous sans les avoir, ça nous rend fou, hein. On squatte les gaules, on grosse équipe, comme si c'est chez nous. On fait du taf, pas déclaré, mais reconnu. On tient les rênes ici, dans le commerce parallèle. On fait tourner l'économie souterraine. Alors quand tu traverses ma zone, un conseil, faut t'accélérer, hein. Amigo, en cas de pépin, tu vas repartir sur les reins. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de l'OP. 95 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Ma boîte le nord, que des gros sous, pourtant nos mains sont dans la boue. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de l'OP. 95 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Ben tu me calcules trop, arrête j'aime pas ça. Ton regard pointé sur moi me trouble, me donne envie de te foutre mon coup de poing dans ta gueule. Et te demander pourquoi m'observes-tu. Mes yeux en ont marre de vos regards, mais moi j'en ai marre. Y'a trop de regards différents qui te matent pour rien. Et qui te laissent avec plein de questions après dans ta tête. Que chaque baisse sa gueule et regarde de son côté et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Dis-moi c'est quoi le truc, c'est quoi le délire. Pourquoi tu montes du doigt, pourquoi tu trembles de peur. À chaque fois que tu croises un noir, change de trottoir, détale la lune pour aller voter la droite. Histoire qu'on se tire de là, franchement tu mérites des droits. Tu veux qu'on dégage, enfoiré. Mais dis-moi ce qui te dérange. Est-ce ma gueule ou bien ma gueule. À chaque fois que ta gueule la mange. Mais mon gars t'es mal barré. Je suis pas prêt de me tirer d'ici. Je suis là pour des décennies. Fallait pas me laisser naître ici. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Est-ce qu'elle te saoule. Toi si tu me saoules. Là je vais mettre la cagoule. Sache qu'ici pas rien n'est certain. Et je ferme pas ma gueule. Je continue à fermer le poing. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Est-ce qu'elle te saoule. Toi si tu me saoules. Là je vais mettre la cagoule. Sache qu'ici pas rien n'est certain. Et je ferme pas ma gueule, je continue à fermer le poing. Elle aime pas ma gueule, mais j'en ai plus que rien à faire. Je suis fermé, non, le macaque est toujours présent dans votre bled. Y'a rien à foutre si ça dérange. J'ai toujours le pain foncé. Je suis pas Jackson, si c'est le cas, pardon Michael de t'offenser. Si, si, les ventes à peau est un délit, je pète ou pas. Je me fous dans la merde jusqu'au cou. Je suis trop fier d'être un beau black. Un peu produit local, FVO produit local. Niveau 7-3, vas-y, match le résultat. Dégaine la dégaine colossale. Vas-y, ferme ta gueule, fous le camp si t'aimes pas ma gueule. En général, je n'aime pas la gueule de ceux qui n'aiment pas ma gueule. Comme des fidèles partisans du Front National. Ou comme ces petites pédales qui se la racontent et qui connaissent que dalle. Fais gaffe quand tu parles, regarde bien tout part avant que tout part en couille et que tu parles. La gueule en sang complètement éclatée. Si tu dis des malheurs, on ne va pas pleurer si tu fais la tête. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Est-ce qu'elle te saoule. Toi si tu me saoules, là je vais mettre la cagoule. Sache qu'ici pas rien n'est certain. Et je ferme pas ma gueule, je continue à fermer le poing. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Est-ce qu'elle te saoule. Toi si tu me saoules, là je vais mettre la cagoule. Sache qu'ici pas rien n'est certain. Et je ferme pas ma gueule, je continue à fermer le poing. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule. La génération flinguée, je dirais plus nouvelle école. Rien à cirer des heures de con, on saoule tout, nous on déconne. On guette la vie de rêve avec la pape collée aux lèvres. Noyé dans l'utopie, on souhaite que notre statut s'élève. Voilà pourquoi on veut des lots, par tous les moyens on s'en procure. Quitte à finir devant le propre, on est trop lobe des petites coupures. On se moque des interdits, des foncés à la tisse. Ça fait que ce mois qu'ils vendent du shit, tout plein de substances illicites. La haine de la violence, il écoute dans nos veines. Ça surcolle mon pleur ici, c'est pas douleur mais juste de haine. Un opinel dans l'abdomen, gare à l'amputation. On se fait du mal, on tire dessus pour des histoires de réputation. On rattrapera par le col, nouvelle école. Les frères décolle, nouvelle école. Comment la bug décolle, nouvelle école. On t'attrape par le col, nouvelle école. Les frères déconnent, nouvelle école. Comment la bug décolle, nouvelle école. Les jeunes galérien. Tu représentes la délinquance dans la vraie vie, ça reste moi. Vite à ma manière pour bien fonctionner plus tard. Avoir le respect qui me revient. Rien que ça que je fais du matin jusqu'au soir, putain. J'ai plus rien à raconter, à raconter. J'ai jamais eu honte de vous dévoiler ma vie de mystère. Au contraire, ça me faisait vraiment plaisir. Vous pouvez pas savoir comme les miens en marre de moi et de ce que je fais. Mon exemple n'est pas bien à souffrir pour les autres à ce qu'il paraît. Seul enfant de penser à eux. Mais est-ce que les gens ont du même avis que eux? Là, je ne crois pas, au contraire. Bloquant quatre murs en béton autour de moi sans décor. Je peux plus rien faire, le stéréotype dehors ne s'affiche plus bêtement. On dirait bien que l'air de la prison veut m'avoir, veut m'étouffer. En ce moment c'est la guerre dans ma tête avec mes pensées. Vous pouvez pas savoir, je veux pas de regrets. Malgré que ça fait mal quand même quand on y pense. La seule regret que j'ai dedans, c'est de ne pas pouvoir en venir en aide à ma mère quand elle aura besoin. Et c'est ça qui me tue plus, qui me fout les nerfs, la haine. Et cette haine, elle est là présente, mes filles, toi. Pauvre Mzadjawa Hankou, comme si elle avait pas déjà assez de vie dans ce mais monde. Moi aussi je deviens dingue, faut que me barde ce trop haras. Ça fait un bail que je suis ici, et rends les coins, tous les recoins. Je tourne en rond dans ma cellule comme un con, je paye pas une mine, je pète un cap, plus aucune thune. L'odeur de mort insupportable, chouette, je me sens crasseux, le sol écrase, les chiottes en peste. Rien à voir avec la tête, j'ai peur d'attraper la peste. Putain, c'est pas humain d'être enfermé entre ces murs, même les hommes murs murmurent ici. Maman, à l'heure de la fermeture, c'est de la torture. Dans ce cachot, on prend des chécas pour dormir, la bouffe est chaude, même dégueulasse, elle donne envie de vomir. Mais bon sang, laissez-moi sortir, je vous assure, je vais faire un crime. Madame le juge, en cas de pépin, vous serez fautif de l'homicide. Je sais ce qu'il faut, je mâche pas mes mots. Si la technique c'est l'attaque, je suis ok. Si tu veux croiser le mic, je suis en paix. Si tu veux un jour un clash, je suis ready. Viens là, je suis prêt, viens ton batailler. C'est le jour, je me bats pour y arriver. Et tous les rêves, j'ai le nom d'habitude. Mais tu les fais pour représenter. Pas pour imiter, mais pour innover. Les mauvaises langues, moi je laisse parler. La rue m'inspire et j'expire, je renais. Ces paroles, je respire. Oh yeah, yeah, oh yeah. Rien à foutre, je sais où je vais. Oh yeah. Parler de dis que je suis, je reste ghetto. Dis ce que tu veux de ma vie, je reste ghetto. Méprise ma réussite, je reste ghetto. Je sais ce que je vaux, je mâche pas mes mots. Gento, l'original, un mec de rue, donc moi je m'en bats. C'est la zone vers chez moi, mais je suis d'ici, donc moi je m'en branle. Pas moyen, il faut me branle, car de la rue, c'est là que je viens. Même si je ne sais pas où je vais, je suis pas prêt de prôner les miens. Mal vie seulement pour ne le dire, mais pas question de laisser le béton. Tous les mains du bitume, le double 3 et mon bloc de béton, c'est pas des cracks. J'arrive seulement ici pour présenter la street. Alors je reste ghetto, baisse pas mon slip, même si les lois sont strictes. Même si ici trop de gens critiquent, après tout, je m'en bats les couilles. J'ai déjà fait mes preuves, toutes mes épreuves, donc qu'est-ce que tu veux que je prouve? C'est ghetto youth, même défoncé avec 3 packs de douche. Je suis pas prêt de donner mon boule partout comme ça. Les qui disent que je suis, je reste ghetto. Dis ce que tu veux de ma vie, je reste ghetto. Méprise ma réussite, je reste ghetto. Ce soir c'est chaud, y'a rien de mieux à boire une bonne soirée banlieue. Regarde 33 pour ceux qui trouvent pas sommeil dans leur pub. Et chaud, les feuilles puis les clans. Les sons pour prendre du sky, histoire de réchauffer le corps. Cache ta sueur devant sa caille. Et tu connais déjà l'ambiance, avec ça dans le hall après minuit. Même sa gaulerie, rien que sa gueule, on se croira en plein après-midi. Les voisins crient, mais rien à foutre. La tête est continue, la peine perdue, c'est jusqu'à l'autre sûr qu'ils vont nous continuer. Dans l'escalier, ça résonne fort, ça sent le shit et puis l'alcool. Agiter rien que ça dégonne, comme les heures de colle à l'école. Mais que tu veux, si ça rigole, qui colle, on tire des tables ce soir. Voilà pourquoi on fait la teuf. La puissance, c'est que j'arrive sans la rage de vivre. J'respire mon époque, ma vie, mon rap s'entrechoque. On m'aime, on déteste, on j'ai mal, puis je progresse. Le temps presse, le temps presse. Si je pars, ma musique est. Moi les mecs, quand je débarque, rien ne m'arrête. Moi j'ai la rage, j'arrive mon bloc avec la gouache, je regrappe dans les parages. Comme le rock, j'fais du hardcore, pas du rock. Poussé par tous mes potes, si ça te dérange, nous on flop. Ça veut question de survie, j'veux survivre, donc je m'accroche. J'suis pas des gens qui se résignent, baisse les bras et puis raccroche. Ambitieux, j'veux de l'oseille, me mettre à l'aise et les poches peines. Comme Crésus, ça c'est mon rêve, alors t'es pas là pour me plaindre. Motivé par ceux qui disent, lâche l'affaire, t'y arriveras pas. Mais à chaque fois, j'vous donne des efforts, histoire de montrer que j'suis encore là. J'm'efforce de rester fort, après tout, j'ai rien à perdre, ça c'est sûr, serre les dents. Lâche pas prise comme dans un putain de corps à corps. La puissance, c'est que j'arrive. Le temps presse, si je pars ma musique, j'ai rêve. 2005, dans l'erreur. Dans la conscience, on respecte tout, nous livre sain. Ce monde maker, y'a trop de rancœur. On a rencard avec l'horreur, en cas de Paris, beaucoup trop de fuite. T'appuies encore jusqu'à l'aurore, y'a plus de respect. Voilà, y'a que des niques, ta mère partout. La femme s'égare dans les partous et se fait tourner par douze, aucune morale. Mec, c'est normal de se faire sodome. Même qu'aujourd'hui, on pourrait croire que c'est anormal d'être hétéro, vu qu'on t'enferme. Pour des insultes homophobes, tandis que partout dans le globe, on m'analyse le xénophobe, ça tourne plus rond. On se dit fléro par les narines, on voit le sky et par les veines, on prend des grammes de cocaïne, mec, l'heure est grave. C'est le dernier round avant le chaos, dans tous les sens ça s'aggrave, car on se rapproche du chaos, ce monde va mal. C'est une vraie bombe à retardement, le quinte à rebours est déclenché, préparons-nous au châtiment. Tu vois comme moi, y'a que des mecs qui en ont marre, des mères qui gavent leur monde d'espoir, pourtant leurs rêves partent en éclat. Tu vois comme moi, les bandes du mal qui me défient, le cœur vide, les démons s'emparent de mon âme et la détruisent. Tu vois comme moi, y'a que des mecs qui en ont marre, des mères qui gavent leur monde d'espoir, pourtant leurs rêves partent en éclat. Tu vois comme moi, les bandes du mal qui me défient, le cœur vide, les démons s'emparent de mon âme et la détruisent.